Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu un vendredi ici. On est content. Ça marche, tout va bien? Ça commence avec du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc on va commencer les interventions de nos amis, certains diraient camarades, des autres régions de Nuit Debout. Le coup c'était Nice. Donc on va la refaire, c'est la deuxième prise. Et voilà, le mumble fonctionne, tout est ok, l'enregistrement est ok. Donc en fait, il faut juste que j'aille vers vous et vous tendre le micro. J'ai compris. Oui. Donc, rebonjour. on a quelqu'un en mumble là? C'est pas? Ah bon? Oui. Donc, ben, je m'assois, tiens, comme ça sera mieux. Donc voilà, nous on est venu de Nice là où on est sur la place Garibaldi. Et on s'est réapproprié cet espace depuis un an, tous les soirs, sans interruption. Estrosi, oui. Depuis le 39 mars, parce qu'on a commencé une semaine après Paris. Comment? Ah, vous aussi, vous avez commencé le... Donc, ce qui s'est passé le 8 avril, c'est un soulèvement incroyable, où il y a eu 700 personnes d'un seul coup sur cette place, qui sont restées environ 3-4 semaines. Mais ça s'est très vite, ça a très vite diminué. Mais ça a quand même permis à beaucoup de personnes, grâce aux agora, avec micro, de pouvoir parler ce qu'ils avaient peu l'habitude de faire. Et donc, ça a été un moment très important pour eux. Bon, le mouvement c'est quand même a quand même diminué assez rapidement. Nous continuons cette place avec les journaux que nous faisons une fois par semaine, les banderoles, bon, la visibilité le plus possible. Tous les soirs, donc, nous faisons des ateliers thématiques. Écologie, économie, politique, droit, féminisme, numérique, et d'autres sans doute que j'oublie, je ne sais plus, journal. Éducation populaire, évidemment. Donc, je vais lire un petit peu. Hein. Au départ, il y avait plus de personnes. Projection de films, prise de parole au micro, les ateliers étaient plus nombreux, souvent plusieurs le même soir. Et maintenant, actuellement, il y en a un par soir où chacun des participants propose un atelier Les jours sont précis, c'est-à-dire que les lundis, il y a tel atelier, mardi, etc., afin que les gens qui soient plus intéressés par l'un ou par l'autre sachent à quel moment ils se produisent. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait par le bas, c'est-à-dire il y en a qui voulaient imposer ça par le haut, une grille, et bon, il y avait des résistances, et du coup, d'autres, dont nous, ont proposé ces ateliers par le bas, petit à petit, c'est-à-dire que en gardant liberté totale. De propositions d'ateliers, on a proposé de manière récurrente tous les lundis un atelier d'un certain type. Et puis petit à petit, on est monté en puissance, on a ajouté le mercredi un autre atelier aussi régulier. Et donc sans rien imposer à personne, on a essayé de fabriquer un réflexe pavlovien de thématisation des soirées pour lutter contre le reproche qui était fait à Nuit Debout Nice de réinventer la roue dans les ateliers. Donc, cette thématisation permettait convergence des efforts, permettant de devenir un petit peu plus pointu. Et en même temps, ça donnait de la chair à notre tentative d'occuper la place tous les soirs. Il fallait bien faire quelque chose le soir. Et bon, comme on était beaucoup moins nombreux, c'était pas tellement des actions, mais c'était surtout l'éducation populaire. Alors, donc, il y a une personne qui propose l'atelier. N'importe qui, c'est complètement ouvert, bien sûr. Elle vient avec soit un texte, soit une préparation qu'elle a faite elle-même. Parle donc de son sujet. Et ensuite, il y a une discussion globale sur ce qui a été présenté. Par exemple, sur l'écologie, enfin, sur tous les thèmes, l'idée était d'être ouvert aussi bien à une polarité pratique qu'à une polarité théorique. Donc l'écologie, ça a été des gens qui sont venus nous parler de permaculture, de ZAD, ou alors on a essayé de se former nous-mêmes à des choses comme l'écologie radicale, l'écologie intégrale, l'écoféminisme, etc. Donc nous avons eu des intervenants aussi, des sociologues, syndicalistes, militants. Bon, c'est évidemment parti de la loi El Khomri, ce mouvement, mais qui s'est élargi très vite à ce monde. Donc on a tenté de faire une convergence des luttes qui fonctionne difficilement, puisque Nuit Debout, pour nous, reste évidemment un mouvement horizontal. Et dans les partis politiques, syndicats, etc., c'est quand même pas vraiment le cas. C'est plus vertical et ils doivent mandater à chaque fois. C'est assez compliqué leur fonctionnement. Et la convergence des luttes a été un peu difficile. Au début, nous avons participé évidemment à toutes les manifestations qui avaient lieu contre la loi El Khomri. Il y en a eu... 8 ou 9, je crois. Donc on était présents en tant que Nuit Debout à chaque fois. Et le nombre, malheureusement, des Nuits Deboutistes a diminué assez rapidement. De quoi tu veux parler? Alors, je reviens un peu sur la convergence des luttes. On a eu quand même des choses qui ont un petit peu marché. Ce que dit Florence est totalement vrai. Hein. Et par exemple, le 21, à la demande d'une sorte d'intersyndicale niçoise, comprenant aussi des associations et des partis, enfin un parti, c'était, si je dis pas de bêtises, ensemble, on a organisé une soirée débat le vendredi, qui est le jour de la semaine où nous sommes un peu plus nombreux et où nous faisons l'effort de redéployer une cantine pour discuter de faire l'état des lieux de la loi travail. Et donc nous avons eu des interventions de représentants syndicaux, délégués, CGT, FSU et autres, d'associations et un parti. Et voilà, ça c'est l'affiche et les résumés des interventions, nous les avons publiés dans notre journal, dans un numéro. Oui. Donc je disais que j'avais une question. Au départ, ça s'est construit comment, les Nuits Debout? Comment ça s'est créé? Alors il y a eu ce gros mouvement qui a démarré le 31 mars à Paris. Et dès l'annonce de le changement du code du travail, donc cette loi El Khomri. Et ça s'est très vite développé. Sur le monde de cette loi El Khomri. Donc ce mouvement est né au départ de cette proclamation du changement de code de travail, mais a très vite évolué en mouvement citoyen. Ça te va? Donc il y a eu ça, il a suscité ce mouvement beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Alors, je cherche un peu, hein, pardon. La place, ça je l'ai dit. Je parle de quoi, là? Oui, donc, la convergence des luttes était tout de même très importante pour le mouvement à Nice. Et plusieurs Nuits Deboutistes se rendent régulièrement dans les collectifs, les comités, les syndicats, ATTAC, par exemple, etc., afin de pouvoir collaborer ensemble sur une amélioration de ce monde. À Nice, c'est un peu spécial du fait de cette ville politiquement très à droite. En même temps, nous n'avons eu aucun problème, comme à Paris, avec des casseurs ou des violences policières. On nous laisse très tranquilles sur cette place. Bon, sans doute parce que nous sommes peu nombreux. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Putain, j'ai pas grand-chose d'autre, hein. Je suis désolée d'être un peu... Alors, sinon, une autre chose qui a été lancée à Nuit Debout Nice dès le départ, c'est-à-dire dès la première semaine, c'est-à-dire le 46 mars de l'an 1, ça a été un hebdomadaire. Cet hebdomadaire est une des deux choses que nous avons réussi à tenir, comme l'occupation permanente de la place, permanente signifiant tous les soirs, hein, on n'y dort pas. Pour le journal, c'est pareil, on arrive pour l'instant à le sortir chaque semaine. Des fois, on a du retard, mais en tout cas, pour chaque semaine, y a un numéro qui sort tôt ou tard. Et voilà, donc ça c'est une spécificité apparemment niçoise par rapport à ce qu'on a pu voir en discutant avec les unes et les autres, et par laquelle nous avons essayé de pallier au fait que notre nombre très réduit et le hasard de la situation locale nous faisait faire tout d'un coup très peu d'actions. Voilà, encore une fois, nos deux grandes actions sont l'occupation permanente et la production d'un journal. Journal lié à ce que nous avons fait comme atelier d'éducation populaire. Et il y aurait beaucoup de choses à dire de notre point de vue sur le journal, c'est-à-dire qu'il a changé avec le temps, il est encore en pleine ébullition, pleine gestation. Nous avons dans notre groupe des discussions houleuses régulièrement sur le fonctionnement, sur les finalités, sur... voilà, mais nous prenons ça pour un signe de vitalité. Et une chose que nous avons réussi à faire, hélas, en nombre très petit, c'est de vivre avec nos différences. C'est-à-dire, venant d'horizons différents, nous avons des finalités politiques à un sens qui se précisent de manière différente. Par contre, nous avons réussi à tenir bon sur ce point, que nos différences, nous les mettons au centre du cercle que nous formons, et nous essayons de discuter le plus explicitement possible. Nous avions sinon un projet de télévision, de Web TV, sur lequel nous avons travaillé énormément et que nous n'avons pas réussi. Sinon, comme question générale, que nous avons beaucoup traité, sur laquelle maintenant nous avons passé, ça a été la tentative désespérée nôtre, qui apparemment, d'après ce qu'on a pu voir, s'est produite dans de nombreuses villes, de récupérer les anciennes et les anciens. Et ça a été une blessure très profonde, parce que la désaffection, malgré toutes les perches qu'on a désespérément essayé de tendre, avec un bonheur peut-être discutable, on a peut-être pris des décisions qui n'étaient pas toujours diplomatiques ou quoi, mais on n'a pas réussi. On a essayé désespérément de tendre en plein de perches à plein d'égards, en espérant une grande rentrée en septembre, et rien de tel s'est passé. Après, en discutant avec d'autres villes, on a cru comprendre que c'est assez structurel. Et donc, par l'éducation populaire et le journal, une des choses que nous visons, c'est d'attraper le taureau par les cornes, c'est-à-dire en croyant, nous autres, que le concept Nuit Debout est vraiment très fort et que c'est dangereux de le laisser tomber, même si tout le monde parle d'une virisomatique, des mouvements associatifs et du fait que plein de mouvements vont sortir à l'avenir. Nous essayons d'aller nous vers les jeunes, vu que les jeunes ne viennent pas, à Nice en tout cas, et donc nous avons le projet d'investir les universités. Le projet tarde à se mettre en place en termes d'avoir des équipes, vraiment des petits commandos, pardon pour le terme, qui inventent des formes nomades de discussion sur divers campus niçois. Par contre, au niveau du journal, ça avance déjà, c'est-à-dire que nous le distribuons et certains groupes d'étudiants, comme par exemple les étudiants en art contemporain de la ville Arson, sont venus nous voir en nous disant « nous on aimerait ». Et on a plein de choses à dire sur les migrants, sur... Oui, genre, c'est bien. Donc, je voulais dire aussi juste au début qu'on avait une cantine journalière afin de pouvoir, c'était très convivial. Vu la diminution du nombre, elle est devenue hebdomadaire. Mais tous les vendredis, il y a encore la grande nuit debout avec cantine, l'apparition du journal, beaucoup plus festive. Alors, les spécificités à Nice, parce qu'il y en a, c'est d'abord les migrants, puisque nous sommes tout proches de la frontière italienne. Des nuits de bouddhistes passent des migrants dans leur véhicule et se font malheureusement arrêter. Donc, dans Nuit Debout, il y en a qui sont pour cette action, d'autres qui, évidemment, comprennent le problème, mais veulent plutôt trouver les causes et essayer de trouver une autre façon de régler ce difficile cas. Mais évidemment, Nuit Debout va au procès, participe aux événements, porter plainte parce qu'on a sur le dos Estrosi, Ciotti qui nous envoie des trucs absolument horribles. Voilà, donc en ce moment c'est procès sur procès, quoi. Même si on trouve que ces passeurs agissent un peu, ils savent le risque qu'ils prennent parce qu'il y a la police partout. Mais ils nous expliquent qu'humainement ils peuvent pas faire autrement que laisser des migrants sur le bord de la route. À Vintimille, nous n'avons pas le droit de les nourrir. Donc il y a quand même des maraudes, mais qui sont obligés de se cacher pour donner la nourriture. Enfin, c'est quelque chose d'assez épouvantable. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc pour rappel, hein, en France, il y a grosso modo une porte de rentrée, une porte de sortie. Pour les migrants, la porte d'entrée, c'est côté Nice, Menton, porte de sortie plutôt Calais, enfin en tout cas dans l'intention des flux migratoires. Et la situation, pour ce qu'on a cru comprendre en discutant avec nos amis de la Roya, donc côté Nice, ça se passe dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Roya. Et le problème, c'est que cette vallée, géographiquement, c'est un cul-de-sac. Donc les migrants qui arrivent dans la ville, dernière ville italienne, Vintimille, ils veulent aller en Italie, en France, croient qu'en remontant le fleuve, la Roya, comme ils savent que ça finit en France, ils pensent que c'est tout bon. Sauf que quand ils arrivent en France, en suivant le fleuve, ils se trouvent dans un cul-de-sac dans lequel, pour passer... La géographie est très dangereuse pour eux. Donc, il y a des passeurs qui font ça pour l'argent, qui n'ont rien à voir avec Nuit Debout, et qui amènent des flots de migrants dans la vallée de la Roya, où des gens qui habitent là, comme Cédric Héroux, qui est agriculteur, se retrouvent plein de migrants. Donc généralement la réponse, c'est qu'il les aide, surtout qu'il y a beaucoup de mineurs parmi ces migrants. Et là, il y a une action militante qui consiste à essayer ces migrants de les faire passer en France, c'est-à-dire à Nice, pas dans l'enclave des montagnes, des Alpes maritimes. Et la situation dramatique, donc grosso modo, elle est par là. Et en ce moment, il y a plein de procès. Et beaucoup de gens qui ont désaffecté Nuit Debout se sont lancés corps et âme dans la cause des migrants. Donc c'est un lien fort entre Nuit Debout et... Outre le fait que l'équipe qui reste Nuit Debout se sent majoritairement très solidaire et soutient les soutiens aux migrants, mais en plus de fait, plusieurs des personnes qui sont processées, qui ont des procès actuellement, sont d'anciens militants en Nuit Debout. Bien. Il y a aussi Pinar Selek, qui est une Turque qui est condamnée dans son pays. Enfin, donc elle a eu... C'est assez compliqué. Elle est accusée d'avoir fomenté un attentat, ce qui est faux, parce qu'elle était très militante dans son pays. Et elle a eu quatre procès où elle a été acquittée. Mais à chaque fois, c'est renouvelé. Et là, le prochain, c'est la Cour suprême. Et si elle est condamnée, elle n'a plus de recours. Bon, elle est en ce moment... elle travaille à Nice faculté de... Je sais plus quoi. Faculté de sociologie. Et donc, il y a une forte mobilisation comité Pinar Selek afin de parvenir à ce qu'elle ait son acquittement. Donc, voilà, à chaque fois, on a ça dans le journal. Et son souci, parce qu'évidemment, elle est en France en ce moment, donc même si elle est condamnée, elle risque la prison à perpétuité, elle ne sera pas. Par contre, ils peuvent s'attaquer à sa famille qui est restée là-bas. Donc c'est vraiment un cas très, très inquiétant pour elle, quoi. Pinard et Nuit de Bounis, elle nous a fait l'amitié d'intervenir. Elle nous soutient à fond. Elle anime à Nice, entre autres choses, un groupe sur le féminisme, dans lequel dont font partie plusieurs personnes de Nuit de Bounis actuelle. Et il y a un projet d'essayer de faire. C'est discuté, hein, c'est tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je suis à fond pour ce projet, par exemple, d'essayer de faire de Nice un pôle d'excellence de l'alternatif ou de la gauche. Et Pinard Sellac est à fond pour cette idée. Bon, je ne vais pas en dire plus ici. En tout cas, elle nous a dit de vous dire qu'elle non seulement nous soutient nous, mais elle soutient tous les Nuits Debout. Donc elle nous a vraiment dit nous a dit de dire ça. Je passe au projet ou tu as encore quelque chose à dire ? Donc les perspectives, c'est de continuer à tenir cette place régulièrement, soir après soir, bien que certains pensent que venir une fois ou deux par semaine, voire moins, mais irrégulièrement serait suffisant, mais accepte complètement le fait que certains veulent venir tous les soirs. Donc les projets, continuer bien sûr le journal hebdomadaire. Et alors surtout maintenant, on va s'axer sur les déplacements, parce qu'on est resté beaucoup sur cette place. On compte continuer, mais aller sur, pas banlieue, mais quartier, voilà, les quartiers. Surtout que là-bas, là, y a l'Ariane et les Moulins qui sont très inquiétants pour beaucoup de Niçois. Alors évidemment, pas pour nous. Ce sont des jeunes... des quartiers défavorisés, quoi, bien sûr. Donc on va s'étendre là-bas, investir aussi les facultés, les autres écoles commerciales, la Villa Arson qui est à Nice où il y a de fortes possibilités. Donc ce serait d'aller là-bas faire des ateliers. Une web TV, donc ça fait un bon moment qu'on est sur le projet, mais on va bien finir par y arriver. C'est pas facile, ainsi qu'une maison d'édition, c'est-à-dire ce serait des petits livres, un sur le féminisme, un sur Badiou, voilà, c'est des projets à venir. Donc nous allons rester sur l'an 2, n'est-ce pas, démarrer l'an 2 très prochainement. Alors, au niveau de... Vous nous coupez là, quand on parle trop. Au niveau du projet de maison d'édition, ça par contre, ça va se faire. L'idée est née de différentes choses, mais d'une révolution technologique que nous avons vécue avec cette table rouge. C'est-à-dire que nos journaux, nous les produisions, mais au départ, nous ne les vendions que le vendredi entre nous. Et bon, le journal, il a changé au fur et à mesure. Et un jour, quelqu'un a eu l'idée d'utiliser une des tables de la cuisine pour mettre les garis. Et quelqu'un d'autre nous a sorti une table pliable qui se transporte facilement. Et ça a changé notre manière de concevoir le journal. Bon, donc ça, toute chose tient à des révolutions d'idées et des fois à des révolutions très matérielles. Donc pour nous, ça a été une grosse révolution technologique. Et là, l'idée nous est venue en fréquentant les procès, qui sont de grandes cartes, les procès pour aide aux migrants, pardon, comme celui de Pierre-Alain Manoni, Cédric Héroux. Le 4, ça sera Francesca. Il y a Félix Croft qui a son procès à Imperia, qui risquait jusqu'à 15 ans pour avoir porté des gens dans sa voiture. Là, finalement, la procureure italienne n'a demandé que 3 ans et 4 mois. En fréquentant les procès et donc en ayant l'opportunité de mieux rencontrer pendant des périodes prolongées, des heures, parce que là, quand il y a un procès, on reste 8 heures sur la place du palais de justice avec de nombreux militants de tout poil, et on discute beaucoup. Et là, on distribuait nos garis, on discutait, de même que d'autres, comme les amis de La Roya, distribuaient leur journal, qui est la marmotte déroutée, et autre chose. Bon, l'idée nous est venue d'essayer de canaliser les efforts que nous faisions d'auto-formation dans l'université populaire à Nice, ou par exemple au niveau des penseurs de gauche, on essaye d'étudier Badiou, Stigler, Lordon, Jorian et d'autres, d'essayer d'en faire des brochures militantes pour essayer de nous déniaiser dans l'idée facile à percevoir à Nice, du fait de la proximité de la nouvelle extrême droite, que la littérature existante de nouvelle extrême droite par exemple, a déjà construit tout un système pour nous tendre de la laine sur le dos. C'est-à-dire, l'idée est apparue chez nous, à Nice, que nous battre pour les migrants, pour le féminisme ou autre, ne suffit pas. Vu qu'il y a tout un dispositif qui a été fabriqué, en termes de livres et de partant d'Alain de Benoît, et puis par couche descendante, pour arriver jusqu'à Zemmour ou autre, tout un dispositif qui s'est fait tout seul, hein, sans grand complot, mais existe, qui décrédibilise apparemment aux yeux de la population les actions traditionnelles de gauche. Donc l'idée, c'est que si on milite à l'ancienne, on se fait plaisir, on croit agir pour une juste cause, mais on va peut-être, notre malgré, polariser la population en sens inverse. Et donc l'idée a émergé, et discuté, hein, tout le monde n'est pas d'accord à Nice, mais que ça peut être utile d'essayer d'avoir systématiquement une double action, c'est-à-dire... Ça n'engage pas Nuit Debout, bien entendu. Hein. Nuit Debout, nous, on tient à notre pluralité, mais quand même, c'est une des idées que certaines personnes de Nuit Debout ont portées, que ça peut être utile d'essayer d'avoir une double action, la double action étant donc de militance à l'ancienne, plus un gros travail plus théorique, de lecture des textes, de discussion, des constructions. Et dans cette optique, bon, le journal, c'est bien, avoir une web TV, ça serait bien, mais une petite maison d'édition avec des brochures militantes courtes, ça serait bien aussi. Bon, tout ça, c'est dans l'optique de la bataille pour l'hégémonie culturelle. Chose que quelqu'un de proche de Nuit Debout, comme François Ruffin, a traité dans un petit livre qu'il a écrit chez Fakir Édition pour introduire à la pensée de Gramsci. Bon, voilà. Donc le projet niçois, parmi les projets, il y a celui-ci. Encore une fois, il n'y a pas d'unisson chez nous. Hein. Les discussions, malgré nos petits nombres, restent houleuses, mais pour l'instant, par chance, constructives. Hein. On accepte les différences, mais en même temps, les questions qui font mal, on les discute. Et parfois, c'est très dur, on a toujours peur d'exploser. Le projet de la maison d'édition, on pense qu'il va aboutir, mais ça implique de faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent, comme monter une association, vu que dans notre maison d'édition militante, nous la voulons avec ISBN et autres. Et l'idée serait d'avoir un double impact si possible, c'est-à-dire que on destine ça aux amis militantes qu'on voit, et sur le bassin niçois, ce sont des gens pas jeunes. Et en voie de disparition, même s'il y a quand même une partie non négligeable de la population qui est, si je puis me permettre, progressiste. Mais aussi, deuxième coup de l'opération, coup avec un P, enfin d'une pierre deux coups, il y aurait l'idée de faire ça à l'intention des jeunes. Donc les jeunes, c'est lycée, université. Avec l'idée d'essayer de les séduire, au bon sens du terme, par quelque chose comme l'excellence des idées ou du diagnostic. Bon, voilà. Ça, probablement, c'est à notre portée à Nice. Et nous avons l'aide précieuse d'amis qui ont été de Nuit Debout, qui pour l'instant sont moins impliqués, mais qui sont professeurs d'université ou autres, et on en a dans tous les campus niçois. Florence ? Si vous avez des questions, si vous voulez plus de renseignements, je sais pas. Merci. Donc, je rappelle, donc on est à Debout Éducation Populaire. Le principe, donc là on a une intervention, bon, je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, mais peu importe, on s'en fout, c'est un peu spécial aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Et du coup après, le but, c'est de réagir. Si vous avez des questions, des choses, des... Moi, j'ai plein de questions à leur poser, mais en tant que modérateur, j'ai pas le droit. Donc, je suppose que vous avez plein de questions aussi à leur poser aussi. T'avais un autre truc que t'avais oublié. Ok, pas de souci. Et merci pour tout ce que vous faites, quand même. Merci. Oui, on a eu aussi un événement très grave, hein, puisqu'il y a eu l'attentat à Nice. Et ce qui fait que Nuit Debout a beaucoup participé, puisque dès le lendemain, comme nous faisions toujours les agora à cette période-là, enfin régulièrement, je veux dire, on a eu un nombre impressionnant de personnes qui sont venues parler de cette horreur. Soit ils étaient sur place, soit ils en ont entendu parler, soit bon, il y en a qui voulaient, enfin c'était très dur, tuer ceux qui ont fait cet attentat. Mais l'intérêt de Nuit Debout, c'est que il y a eu énormément de personnes qui sont venues dire leur ressenti au micro pendant au moins 2-3 semaines, quoi. Donc c'est encore spécifique à Nice. Une autre chose peut-être qu'on a oublié, c'est que, donc, comme Florence le mentionnait, l'expliquait, la convergence des luttes chez nous, elle est difficile. Et en même temps, on a fait des choses. On a eu cette soirée intersyndicale qu'on nous a demandé d'organiser. Florence et Betty ont organisé pour le 8 mars une manifestation spéciale à la demande du planning familial et autres. Et donc, ce genre de choses sont en train de se produire. Et nous avons vécu il y a quelques semaines ou il y a quelques mois un changement qui nous a fait très peur et qui a été qu'on commence à signer Nuit Debout Nice. Avant, nous ne signions pas Nuit Debout Nice. Ça nous pose plein de problèmes parce que Nuit Debout Nice, au départ, c'était plein de monde et là, nous sommes beaucoup moins. Donc, ça nous pose un gros problème de signer parce que... Et en même temps, on s'est lancé. Ça a commencé avec Pinard Sélec qui nous a demandé si on voulait être dans le premier signataire du comité de soutien. Auquel on vous invite chaudement à signer, à adhérer vous-même, hein, si Pinard a vraiment besoin de soutien. Et elle est, au passage, donc, elle a plein d'ennuis avec l'État turc parce que dans sa jeunesse, elle a commencé en faisant des recherches sur les communautés kurdes et arméniennes. Et elle a été torturée pendant 2 ans pour qu'elle livre les noms des personnes kurdes qu'elle avait interviewées anonymement pour sa recherche, et elle n'a pas cédé. Elle a été torturée gravement, elle n'a pas lâché un nom. Et bon, Pinard, c'est là que c'est vraiment quelqu'un de qui vaut le déplacement. Je ferme cette parenthèse. Et donc, au niveau de la convergence juste ou quoi, donc une nouvelle étape de notre aventure pour l'instant, c'est que d'une part nous signons, donc nous avons signé pour le 8 mars, pour la journée de la femme, nous avons signé pour Pinard Sélec, et là j'oublie plein de choses. Et d'autre part, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous intervenons pour aider, par exemple le truc stop corruption, machin, qui est un événement qui nous pose question parce que ça a l'air d'être organisé de manière, on va dire par euphémisme, très différente de Nuit Debout. À Nice, ça se passe pour l'instant bien, c'est-à-dire que c'est porté par une personne qui n'est pas du tout de l'horizon de Nuit Debout, et nous, on l'aide en amenant la sono et en organisant les débats, c'est-à-dire que ça, on commence à savoir faire, alors que sans nous, ils n'y arrivent pas pour l'instant. Et donc, ce qu'on arrive à faire toujours sur la place Garibaldi, mais en plein jour, c'est qu'on s'assied ou alors on amène des chaises, on a la sono, on discute, et ça interpelle les gens qui s'arrêtent. Et d'autre part, je me permets de dire qu'on les aide aussi au niveau de la structuration du contenu. C'est-à-dire, stop corruption, ça tourne des fois à Yaka, à tous les pendres. Bon, on essaye de complexifier un peu la discussion et d'aller un peu plus sur le côté structurel des choses. Voilà. Et ça, pour nous, c'est très rafraîchissant et c'est assez prometteur parce que dans le contexte général où on n'a absolument pas réussi à ramener des gens qui étaient Nuit Debout avant, et ce qui est vraiment une blessure ouverte pour nous, très grande, mais je suppose que ça doit être comparable pour vous, et j'ai cru comprendre que c'est vrai pour beaucoup de gens, beaucoup de Nuit Debout partout en France. Ces petites alliances, pas alliances, mais collaborations avec des gens qui spontanément font des choses, nous permettent de rencontrer des gens et de très souvent de proposer avec succès l'adoption du code de discussion silencieux Nuit Debout avec les mains. On rappelle toujours que, d'après ce qu'on a cru comprendre, ça vient d'ailleurs, ça vient d'Espagne, d'Occupy Wall Street ou autre. Peut-être en amont total, ça vient de la communauté des sourds-muets, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans beaucoup d'autres groupes qui ne sont pas Nuit Debout, les gens acceptent tout à fait qu'on essaye de parler de cette manière-là, qu'on essaye de gérer la prise de parole de cette manière-là, voilà, sans signer le moindre chèque en blanc à Nuit Debout. Et ça, pour nous, c'est vraiment très sympa. Alors moi en fait c'est plutôt j'avais deux questions. Premièrement c'était pour savoir si ça a été difficile votre arrivée à Nice, enfin votre programme, et après quelle est la deuxième question, c'est quel est votre programme pour soutenir les migrants ou soit les aider. Ben donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les migrants, les avis sont très partagés. Non, bien sûr, sur le fait de ne pas s'en occuper, mais sur la façon de gérer cette histoire. Et donc, les passeurs bénévoles, hein, bien sûr, pas ceux qui se font rémunérer, il y a énormément de nuits de boutistes qui ne viennent plus, mais qui sont quand même très proches du mouvement, qui sont plus axés là-dessus. Et donc, nous, nous les soutenons en allant au procès, en organisant un des procès, le dernier de Cédric Héroux, ça a été sur une journée entière, avec débats, ateliers, conférences, etc. Là, le 4 avril, il y a un procès de Francesca. Depuis des années, elle aide les migrants, elle les reçoit, elle les nourrit, etc. Fait ce qu'elle peut avec. Elle a sauvé une petite fille qu'elle a ramenée à sa mère, enfin des trucs. Il y a eu un reportage. Et donc là, ça amène une journée de protestation contre la magistrature, les préfets, parce que Pierre-Alain Mannoni avait été relaxé, et il y a eu tout de suite un appel, et maintenant le procès a de nouveau lieu à Aix, en plus. En appel, quoi. Donc, à chaque fois, on est tout content, enfin, il est relaxé, et à chaque fois, ça repart de plus belle. Bon, il y a des plaintes continuelles de Ciotti et Estrosi, auxquelles Cédric Héroux et Pierre-Alain Mannoni répondent. Enfin, bon, c'est un échange sur Nice Matin assez terrible. Pardon ? Oui ? Oui, les migrants qui arrivent à passer, donc grâce à vos passeurs et aux passeurs bénévoles, est-ce qu'ils sont reconduits à la frontière? Ils sont poursuivis? Qui est-ce qui s'en occupe sur place à Nice? Absolument. Donc c'est bien là le souci. Et même, il y a eu des essais d'amener des migrants au commissariat afin de régulariser leurs papiers, etc. C'est Teresa Maffei. Qui s'occupe de ça, qui connaît par cœur ça, et ils ne rendent pas, enfin ils emprisonnent du coup ils gardent à vue les migrants et effectivement les renvoient en Italie à chaque fois. C'est assez terrible, hein, franchement. Il y a une situation très dure, j'ai plus entendu ce que tu as dit, pardonne-moi, relativement aux mineurs, c'est-à-dire que le droit français en l'état et plus largement européen, si je dis pas de bêtises, est tel que il y a Dublin, les accords Dublin qui font que si des migrants se déclarent dans un pays, ils doivent rester dans ce pays, et ce qui pousse les migrants qui veulent aller ailleurs qu'en France à ne pas se régulariser en France pour vite passer ailleurs. Mais il y a une situation contre laquelle se battent les gens de la Roya, liée au non-respect de normatives qui normalement préconisent que s'il y a des mineurs non accompagnés, ces mineurs non accompagnés, quelle que soit leur origine, doivent être pris en charge par l'État. Alors que la politique française actuelle est de reconduire les mineurs aux frontières. Donc on attrape des jeunes migrants. Il y a des vidéos qui montrent que la police française déclarent qu'ils ont 18 ans alors qu'ils ont, eux déclarent en avoir 15 et ils ont l'air d'en avoir 15. Et donc ça c'est un non-respect total du droit, c'est une interprétation politique du droit et il y a une grosse bataille là-dessus. Le truc dans la Roya actuellement porte beaucoup sur les mineurs, il y a beaucoup de mineurs. Donc la loi française actuellement, par-delà toutes les polémiques, est que les mineurs on discute pas, on les prend et on s'en occupe, c'est-à-dire on leur donne un toit, on s'en occupe médicalement. De fait, ce qui se passe, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, il y a une chasse aux mineurs. Dans la vallée de Loiraya, il y a des morts, il y en a qui se font écraser, il y en a qui tombent. Et quand ils sont attrapés, ils sont reconduits, remis aux autorités italiennes. Oui, c'est ça que je voulais signaler. C'est que des migrants essayent de passer seuls d'Italie en France, donc soit par la montagne, ce qui est très dur, soit par l'autoroute, soit par le chemin de fer. Et malheureusement, il y a 9 morts depuis quelques mois, écrasés. Enfin bon, c'est assez terrible. Donc c'est pour ça que les passeurs bénévoles veulent éviter ça et essayent de les amener dans leur véhicule. Malheureusement, c'est tellement fliqué partout que régulièrement ils sont arrêtés. Je voulais parler aussi, parce que j'avais oublié tout à l'heure, nous avons aussi beaucoup de travail, entre parenthèses, sur les ZAD. Parce que nous avons un château magnifique à Nice et que la ville veut bétonner. Donc là, ça devient assez, assez terrible. Un lieu assez joli aussi avec beaucoup d'arbres où ils veulent construire un hôtel 4 ou 5 étoiles. Donc abattre les arbres. Enfin, on a aussi beaucoup de travail à faire. On a un nuit de boutiste qui est zadiste à fond, Nico Zad. Donc. Et qui nous tient au courant, qui intervient, etc. Et donc, pareil, on fait donc des pique-niques au château pour résister contre ce travail. Bon, apparemment, financièrement, pour l'instant, ils sont bloqués, donc peut-être que, mais bon, on a quand même beaucoup de... Il y a le tunnel de Tende, enfin, il y a beaucoup d'endroits. Ils veulent construire un immense supermarché au milieu d'une forêt, enfin, bon, il y a des trucs, voilà, donc on a aussi... Il y a une éco-vallée à Nice, dans la vallée du Var, le fleuve qui est après Nice, enfin le fleuve Var, il est dans les Alpes-Maritimes, et là, il y a des terres fertiles, très grandes, très fertiles, et il y a de gros projets de changer ça. Donc là, potentiellement, il y a une ZAD énorme à faire, il y en a d'autres. On aimerait, mais on est très peu nombreux, donc on aimerait essayer de travailler là-dessus au niveau citoyen pour sensibiliser sur ce que c'est qu'une ZAD et pour travailler le fait que c'est, contrairement à ce qui nous pend au nez au niveau de stratégie politique adverse, il ne s'agit pas de terrorisme. Voilà, mais on est en sous-effectif, c'est un problème général. Et si on prend des gens qui sont vraiment impliqués dans la ZAD depuis, dans certaines ZAD, par exemple celle que mentionnait Florence, le doublement du tunnel de Tende, ils étaient très déterminés à sauver leur vallée, argument à l'appui comme quoi économiquement c'est absolument pas rentable pour la communauté, c'est juste rentable pour quelques entreprises qui auraient le bénéfice en italien c'est appalto, je sais plus où on dit en français, enfin d'avoir la charge des travaux. Ce qui se passe actuellement dans la Roya, c'est qu'ils ne peuvent plus militer pour leur ZAD. C'est-à-dire, au départ, jusqu'à une date relativement récente, ils étaient à fond dans... Leur truc politique premier, c'était leur ZAD. Là, submergés par les migrants, ils ne peuvent plus. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a fini par comprendre à Nice. On a mis un certain temps, on n'avait pas bien compris, et voilà. Et une des choses qu'on discute, c'est l'idée qu'au niveau de la militance... Si on suppose qu'il y a un certain bras de fer avec l'État pour garder une vision altermondialiste, il y a deux grands dangers de se laisser éteindre dans l'espoir même. Et une grande bataille, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire s'ils arrivaient à la fermer et que ça passait d'une manière ou d'une autre, ça serait un coup très dur. Et l'autre coup très dur, ça peut être les migrants. La situation de Calais, nous, on ne la connaît pas très bien. La situation de la Roya, on a l'impression que si, par le système des procès, contre les allégations des militantes qui se disent « nous, on va tenir », etc., mais tenir, c'est dur, aller à tous les procès, s'ils arrivent à nous avoir l'usure, là, on est mal. Après, si tu veux poser une question, il n'y a pas de souci. J'ai déjà une main... À Calais, ils veulent faire un parc d'attractions sur l'ancienne jungle avec des héros de Internet. J'ai pas tout compris, mais c'est juste horrible. Oui, donc déjà, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. J'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez par rapport à quand d'autres collectifs arrivent, ils demandent en fait une certaine... Il y a un certain savoir-faire qui s'est établi avec Nuit Debout, notamment de la modération, de la gestion logistique, de l'occupation d'une place, etc. Et ça, on le voit aussi ici à Paris. Et... La question que j'avais, c'est quand vous parliez par exemple des anciens, etc., est-ce qu'il y a des collectifs qui se sont formés du coup à partir de personnes qui ont participé à Nuit Debout et qui ont construit du coup des choses à côté, donc plus forcément en lien avec l'occupation des places, mais qui se sont constitués en tant que collectif ou en tant qu'association? Alors effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est que il y a beaucoup de nuit-debout-istes qui sont venus au début, qui appartenaient déjà à un groupe de militants. Déjà un groupe de militants, soit politique, soit associatif, et qui sont retournés, enfin qui ont continué. C'est bon là ? Qui ont continué dans leur appartenance qu'ils avaient déjà, et ça les a. Ils ont diminué leur venue à Nuit Debout. Mais ils avaient déjà soit un parti politique, soit un syndicat, soit tu vois, un mouvement auquel ils appartenaient avant. Tu veux rajouter quelque chose ? Et puis, donc tu demandes aussi si s'ils ont formé de nouvelles choses. Là, ça me vient pas, mais il se pourrait, là, je vois pas. Sur la Roya, clairement. Sur la Roya, clairement, il y a un gros site internet, il y a plusieurs associations, et il y a donc à la fois une grosse mobilisation, mais une difficulté en cours de traitement d'obtenir une structuration efficace. Là, c'est très actif. De mon point de vue, il y a des signes inquiétants. Enfin, à Imperia, nous n'étions pas nombreux. De Nice, nous étions très peu nombreux pour le procès de Félix Croft, alors qu'il y avait des foules pour les procès à Nice. Or, Félix, c'est celui qui risque le plus. Il risquait jusqu'à 15 ans de prison pour à cause des hasards juridiques. Et sinon, par rapport à quelque chose qui était dit sur le fait... Adèle, tu disais que vous aussi, vous avez cette expérience de qu'un savoir-faire Nuit Debout s'est exporté. Bon, nous, il faut qu'on mette le bémol, je crois, qu'à Nice, du fait de notre petit nombre, c'est pas sûr que nous soyons très à cheval sur le respect du temps de parole ou quoi. Ça, nous sommes tellement peu nombreux que, malheureusement, structurellement, il est rare que nous fassions de vrais AG. Donc, on fait au mieux, on essaye de respecter le truc, mais voilà, sur l'horizontalité, on fait ce qu'on peut, mais dans un groupe petit, c'est difficile, il me semble. Au moins, on en discute et houleusement. Ok. Alors, j'avais une main qui s'était levée par là-bas. Je vais essayer de venir à toi. Ouais. Merci beaucoup pour votre travail. C'est magnifique ce que vous faites. Je avais une réaction par rapport à la ZAD dont vous parliez tout à l'heure. Nous, on est un peu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce qui est le cœur de la réussite de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'occupation et c'est le fait qu'il y ait des gens qui habitent sur place en permanence. Est-ce que chez vous, vous avez des gens qui sont susceptibles d'être expulsés, et est-ce qu'il y a possibilité de vraiment occuper la ZAD de manière plus ou moins permanente, quoi ? C'était ça ma question. Tu parles d'une ZAD qui serait niçoise, entre guillemets, enfin de la région. Alors, je crois, on n'est vraiment pas trop compétents, ni Florence ni moi là-dessus, mais les gens de la Roya, eux, ils habitent là, donc ils essayent de défendre leur écosystème. Après, ce qui se discute beaucoup, c'est surtout l'ami qui, Nico, Nico ZAD ou Nico TV chez nous, qui essaye désespérément de nous convaincre, et il nous a convaincus, mais on est pas assez nombreux, pas encore assez structurés, mais on aimerait aller dans cette direction-là, plusieurs d'entre nous en tout cas. Il essaye désespérément de nous convaincre, enfin de nous motiver pour fabriquer des ZAD. Et là, il y a des projets. Il y a vraiment pas mal, hein, parce que les Alpes maritimes sont un lieu écrasé entre la frontière italienne, les Alpes et la mer. Et malgré tout, il y a des terrains, il y a des trucs, il y a... Mais chez nous, je crois que c'est encore préliminaire. Enfin, en tout cas, Florence et moi, on n'est pas très bien placés pour répondre, mais voilà. Tout un autre chapitre, ça serait le droit au logement. Sur les Alpes-Maritimes, et notamment à Nice, il y a, dit-on, d'après des estimations, beaucoup de logements qui sont inoccupés, pour des raisons compréhensibles. Le prix au mètre carré est tel que c'est plus rentable de pas louer de garder ça pour des gens qui peuvent payer ou quoi. Et donc il y a des projets de faire des choses là-dessus, on attend voir s'il y a un rapport de force militant capable d'ouvrir ça, mais... Bon, on est désolé de pas pouvoir t'en dire plus. Mais par contre, tu peux aller voir ZAD Partout Tes Loches, où c'est notre Nico niçois qui met tout là-dessus, parce qu'on est un peu faible, nous. Alors, au niveau du journal, un des projets qu'on a, ça serait d'interagir dans tous nos numéros. Depuis un bon moment, on parle de la situation dans la vallée de la Roya. Mais dans un numéro, on a fait l'effort, vu que les nouvelles qui nous arrivaient de Notre-Dame-des-Landes étaient très, très inquiétantes, le diagnostic qu'on a posé en discutant, c'est si ça tombe, c'est mauvais pour tout le monde. Et donc, on essaye de voir si on peut répondre présent, y aller. Et en tout cas, on a essayé de... pondre des petits trucs de présentation dans notre journal. Au fait, c'est quoi Notre-Dame-des-Landes? Bon, le site nadir.org nous a autorisé à reprendre des textes. On a mis une cartographie, il y a la Wardine, je sais plus quoi. Ce que nous aimerions, enfin, ça fait partie des discussions houleuses, mais c'est d'ouvrir le journal, par exemple, à ça. C'est-à-dire, pour nous, ça serait doué de sens que d'avoir des sortes de correspondants réguliers qui nous envoient des infos là-dessus et que nous, on répercuterait. Oui, juste à du droit au logement, donc j'ai envie de faire coucou aux copains qui sont de l'autre côté de la place, du DAL, qui nous ont soutenus depuis un an et qui a déclaré la place avec d'autres. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, de leur faire un petit coucou, et vous pouvez aller les voir aussi de l'autre côté. C'est des copains. Bonjour, moi j'ai une petite question. Est-ce que dans votre lutte, vous luttez contre le chômage et pour l'emploi? Voilà, et si vous luttez pas contre le chômage, est-ce que vous comptez le faire? Et pour l'emploi surtout, est-ce que vous comptez aider les gens à trouver du boulot? Je te le passe après. Donc, nous avons Gérard à Nice qui est expert pour cette situation. Donc, effectivement, enfin, nous en parlons. Nous avons aussi quelques articles sur ce sujet. Et lors d'interventions que nous préparons et faisons ensuite avec les syndicats que nous convoquons régulièrement plusieurs fois dans ces moments-là, on en parle beaucoup. C'est vrai que on a bien sûr le samedi, c'était je crois, l'atelier différence où tous les cas sont animés et il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet. Dans cet atelier, il y avait, on va dire, comme des différences avec un A comme philosophe derrière, des fragilités. Donc c'était la question des migrants. Alternativement, le samedi, on traitait soit la question des migrants, soit des questions de différences sexuelles. Féminisme autre, soit SDF et autres, avec des amis sans domicile fixe avec qui on faisait des choses. Il y avait Stéphane, il y avait Michel. Là-dessus, nous n'avons pas beaucoup avancé. Je sais pas si on comprend bien ta question. Hein. Moi, ce que j'entends dans ta question, c'est par exemple le fait que de manière récurrente, tous les amis SDF finissent à un moment ou à un autre nous dire quand même, tout le monde aide les migrants, mais nous, on nous aide pas. Si j'étais migrant. Non, c'est pas ça ce que tu dis. Hein. Donc, en tout cas, il y a ce dossier-là que nous, on essaie de traiter. Nous sommes en retard. Et une manière... voilà, ce qu'a dit Florence, c'est probablement l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez nous qui nous rappellent à l'ordre régulièrement. Encore que Gérard, ça fait un moment qu'il ne se manifeste plus. C'est un ancien enfant de Don Quichotte à Nice. Il avait beaucoup fait pour le droit au logement. Justement, les gens qui, comme d'abord à Paris, mais aussi à Nice après, avec des tentes, se mettaient... dans la ville. Lui, il est très concerné par la question du statut du travail et de l'assurance chômage. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse à ta question. Hein. Un autre truc qu'on essaie de discuter à Nice, un peu dans ces eaux-là, peut-être, c'est le fait que, dans la nébuleuse de la nouvelle extrême droite, il court la thèse que la gauche a abandonné les pauvres. Et que eux, ils sont maintenant plus à gauche que la gauche, et c'est eux qui proposent. Donc ça, on essaye de travailler. Et c'est assez compliqué au niveau des références textuelles. Ça passe par des auteurs communistes comme Kluskar, qui a écrit sur le fait que c'est mai 68 qui a engendré le néo-capitalisme. Et ça a été repris par Soral, qui est très populaire auprès de plein de gens. Ça, c'est une autre réponse à ta question. Je sais pas si peut-être que je t'ai pas compris. Je sais pas ce que. En tout cas, traiter la question du travail, on l'a traité à fond avec la loi El Khomri, la loi travail. Pour le reste, à mon avis, on est un peu... on sait que c'est un point capital, mais on n'a pas encore trouvé une manière efficace de faire des choses là. Vous n'êtes pas tout seul et c'est normal. Je continue le tour des questions. Oui, je voulais revenir sur un point dont vous avez pu parler, c'est de faire le lien avec les quartiers défavorisés. Et effectivement, en ce moment, c'est une question aussi qu'on se pose beaucoup à Paris. Ici, c'est un quartier, on peut pas dire bourgeois, mais qui est quand même aisé, quoi. Oui, parce qu'à Paris, il y a des niveaux encore. Et donc, du coup, on se pose la question de comment faire le lien avec ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers populaires, quoi, qui sont touchés par une exclusion, qui sont très isolés. Très isolés. Comment est-ce que, tout en respectant leurs codes, leurs habitudes et tout, il ne s'agit pas d'imposer un lien, mais comment... Voilà, c'est une question qu'on se pose aussi. Oui, alors justement, alors par exemple, le cas à Nice, c'est le quartier d'Ariane, qui est vraiment très mal vu par les Niçois, sans raison bien sûr. Et nous avons pris contact, il y a très récemment, ils ont monté Ligne 16, Utopie, et justement nous prenons contact avec ces personnes-là en ce moment, pour pas arriver comme ça, se poser et dire Nuit Debout, etc. Donc voilà, on est en train de préparer notre venue sur place, mais avec des associations qui existent déjà. C'est un peu ça Donc à Nice, apparemment, il y a deux banlieues, enfin Craignos, qui sont l'Ariane surtout, mais aussi les Moulins. Et l'Ariane, c'est très cruel parce que c'est assez fortement séparé du reste de la ville. À Nice, il y a eu un tramway qui a été fait en 2007, je crois, qui marche très bien sur le modèle de plein de tramways qui ont été faits partout en France. Ça marche très bien, ça a été un franc succès, ça a été fait par l'ancien maire, ex-numéro 2 du Front National, Perra. Le tramway est tout le temps plein, il marche même loin, même tard dans la nuit. Il coûte pas cher à Nice. 1 euro, mais il s'arrête avant la banlieue de l'Ariane. Et le bus qui relie cette banlieue à la ville, c'est le bus numéro 16. Et du coup, eux, bon, c'est une situation complexe. Je crois qu'ils ont fait un gros théâtre important, Lino Ventura, pour essayer d'amener la culture là-bas. Mais c'est quand même une réalité très dure à Nice, où ces gens-là, on les voit rarement, et quand on les voit, on les reconnaît tout de suite. Ça nous est arrivé récemment qu'un groupe de jeunes, visiblement de l'Ariane, arrive et discute avec nous. C'était très sympa. Pour l'instant, on n'a rien réussi à faire. On s'est posé la question plein de fois. On a un copain nuit de boutiste qui vit là-bas, Olivier, un copain parisien qui maintenant habite là. On ne sait pas comment faire. Hein. On nous a bien expliqué que catapulter des trucs là-bas, c'est moyen. Et si on se pose la question, par exemple, d'essayer de faire peut-être le journal, comment est-ce qu'il pourrait ne pas être totalement absurde pour les gens d'Ariane, ou c'est pas facile du tout. Ce qu'on a fait qui a un rapport avec ça, et là je vais peut-être faire fuir plein de gens, c'est qu'on a reporté des raisonnements du philosophe Alain Badiou, qui à sa manière affronte le problème. C'est-à-dire, en tout cas, il dit dans sa veine à lui que... il y a au moins 4 segments de population actuellement radicalement disjoints, les jeunes des banlieues, les jeunes étudiants, les travailleurs les travailleurs clandestins. Et que si deux seulement de ces 4 rentraient en collaboration, communication et collaboration, il y aurait un risque très sérieux d'insurrection. Badiou, il dit, bon, l'État le sait très bien, il fait tout pour éviter justement que ça se produise. Ça, c'est du Badiou. Mais en tout cas, déjà par empathie, ça nous crève le cœur de savoir qu'il y a... Il y a plein de concitoyens qui sont là-bas et on ne sait pas comment faire. On veut le faire, on ne sait pas encore comment. Ouais, 2006-2007, il y a eu le mouvement de Don Quichotte, là vous parliez de Don Quichotte. Augustin Legrand, il vous donne un petit peu des conseils sur la lutte, ou comme il a fait au Canal Saint-Martin, il a réussi à mobiliser du monde, il peut vous dire son expérience pour comment faire contre les politiques. Non. Augustin, on le connaît pas, mais on en connaît d'autres. Il y a Gérard, dont parlait Florence, et Michel Abada. Michel n'a jamais été nu debout, c'est un ami très impliqué, militant. Par contre, Gérard, c'est un copain nu debout. Donc, voilà. Donc, ces deux personnes-là étaient Don Quichotte à Nice. Et voilà. Donc, celui dont tu parles, toi, il doit être super important, mais eux doivent le connaître. Parce qu'ils étaient, ils ont été à Paris aussi, après ils sont venus à Nice. Bon, nous on le connaît pas, mais chez nous on en parle. Hein. On a des personnes qui ont été à fond dans Don Quichotte, version Nice, et donc c'était sur le bord de mer, sur les plages, il y avait plein de tentes. Voilà, ben, ils faisaient comme toi, mais Nice, c'était la version provinciale. Et non, ils sont présents chez nous. Ils sont présents chez nous, ils nous donnent des conseils. Pour l'instant, on n'est pas assez, on n'est vraiment pas assez nombreuses et nombreux pour porter beaucoup de choses. Mais en tout cas, on se pose le problème, le droit au logement et autres. Oui, alors justement, à ce sujet aussi, on est en train de recenser les logements libres à Nice, qui sont énormes. Enfin, il y a, je ne sais plus combien, c'était 6 000, je ne sais plus, enfin bon, un nombre incroyable. Et on est en train de recenser ces logements et bon, éventuellement faire des actions d'occupation, de squat. Mais bon, il faut y aller vraiment bien préparer l'histoire, quoi. Donc ça prend du temps et ça ne sert à rien d'y aller et d'être éjecté 2 heures plus tard, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Beaucoup de problèmes pour les policiers et moi, document. Policiers volent moi, document. Pourquoi? Moi, sac à dos volé. Ah ben, je suis désolé pour toi. T'inquiète, pourquoi? Normal. Voler le sexe, à moi, non sexe. Comprends-tu? Il y a des voleurs, je suis désolé. Tout va bien, nous sommes à République. Jusque là, est-ce que donc en fait pour ceux qui nous ont joints en cours de route, donc on a deux copains. Moi je dis tout le temps copains, j'aime pas trop camarades. Ça fait un truc un peu URSS à l'ancienne. Qui viennent de Nice, qui nous ont raconté un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Nuit Debout là-bas. N'hésitez pas à leur poser des questions, voilà, à partager un petit peu ce que vous avez envie de leur dire. Moi j'avais une question mais vraiment très très bête, mais j'ai vraiment envie de la poser, et je me suis toujours dit, pour avoir de la famille dans le sud, quand on est militant et qu'on a la plage à côté, ça doit quand même pas être très, très évident, non? Je crois que vous avez fait des trucs dans des plages, il me semble, en plus. Alors bon, donc on va parler un petit peu des actions qu'on a faites alors. Donc la plus sympa, c'était effectivement l'occupation de la plage. Nous en avons profité pour nous baigner. Et donc cette action consistait à, parce qu'il y a des plages qui sont prises d'assaut par des propriétaires, des capitalistes, on peut les nommer de plusieurs façons, qui abusent évidemment, hein, donc il y a très peu de plages publiques sur la côte. Ce qui est absolument anormal, qui ne respectent même pas le, je crois que c'est 2 mètres devant la mer. Et donc on a fait une action pour protester contre ce phénomène. D'autres actions, on a fait déblocage de péage d'autoroute, donc contre De Vinci qui a ça aussi. Déblocage d'autoroute. Ah oui, alors des actions très drôles aussi, ma foi, puisque nous avons eu la venue de Sarkozy 2 fois. Donc la première fois où il a traité les... Donc on avait une manifestation avec casseroles, pancartes, etc. Et où il traitait les personnes de sans cerveau. Donc ça a protesté en réaction... Voilà, c'était parce qu'on manifestait. Et la deuxième fois, il est venu dédicacer son livre. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce livre. Et il y a un nuit de boutiste qui a été dans la file d'attente. Et il a signé le journal Gary la nuit, quoi. Donc là, on était assez fiers de nous. Bon, quand on a un petit peu manifesté, Big Malion, etc. Donc on a été tout de suite repoussé par les RG. Et nous avons eu aussi El Khomri qui est passé, donc pareil, hein, une manifestation devant. Voilà, je crois qu'en action c'était un peu ça. Hein. Ok, bref, je sais pas s'il faut que je dise ce que j'ai envie de dire, mais il se passe des trucs bizarres à ma droite. Du coup, si vous avez des réactions, des envies de partage, peut-être vous des... Voilà, merci. J'avais une question, moi, c'était... Est-ce que, enfin, là, ça va peut-être être Le Pen qui va passer au pouvoir. Enfin, elle est donnée vachement élevée dans les sondages. Est-ce que vous avez un plan de bataille contre ça, quoi? Si jamais elle arrivait au pouvoir, qu'est-ce que vous envisagez de faire voilà. Alors, à Nice, les identitaires sont censés être très forts. Lors des dernières régionales, ils ont eu des élus, notamment leur chef, Philippe Bardon. Et c'est ce qui, normalement, est utilisé pour expliquer que nous n'avons pas eu de problème, ni nous à Nuit Debout, ni des gens avant. À Nice, traditionnellement, ça cassait. Pas forcément vu de tout le monde, mais il y a des gens qui recevaient de coups, et ça fait un certain temps qu'il n'y a rien. Donc, une des analyses, c'est qu'ils se tiennent à carreau tant qu'eux. Et donc personnellement, je serais assez inquiet. Ils sont juste à côté. Enfin, le fief des identitaires à Nice, il est juste à côté. Donc d'une part, alors par rapport aux élections, bon, c'est très compliqué. Personnellement, ça c'est pas Nuit Debout Nice. Hein. On en discute. C'est Alessio qui fait partie de Nuit Debout Nice. J'aurais tendance à croire que c'est une des grandes forces en jeu. Il y a le monde de l'Omar El Khomri, qui est plutôt la finance, à mon avis. Le problème de l'extrême droite, à mon avis, c'est un autre problème tout aussi sérieux à ne pas minimiser. Et dans cette optique-là, je suis obsédé depuis un moment. Quand j'en parle, souvent, je me ridiculise. Donc, je prends ici le risque de me ridiculiser, mais qu'il y a un coup fumant à jouer à Nice. En tant que Nice, c'est à la fois. Nice polarise au moins trois choses. C'est la ville bling-bling en France. C'est la ville extrême droite, à un sens. De fait, la nouvelle droite, elle est née à Nice, même si après c'était à Paris, le Grèce. Troisièmement, c'est, comme on en a discuté, c'est, avec Menton, la porte d'entrée des flux migratoires. Et de ce fait, il y a l'idée que il y aurait un coup à réaliser à Nice si on arrivait à faire un pôle d'excellence, de résistance, de libertarisme, d'altermondialisme, de gauche. Aussi, enfin, c'est compliqué, hein, parce que Nuit Debout, c'est un discours qui sort un peu de Nuit Debout, peut-être. Mais il y aurait un coup à jouer. Bon, je vais peut-être être choquant, ça c'est moi, mais pour faire changer la peur de camp, du point de vue de la bataille pour l'hégémonie culturelle. Moi, nous sommes plusieurs à penser que l'hégémonie culturelle est en train d'être gagnée par la droite, nouvelle droite, c'est-à-dire nouvelle extrême droite. Et depuis peu, on a des nouvelles un peu inquiétantes, comme le fait que à Nantes, où rien de tel n'avait été vu depuis très longtemps, il y a le GUD qui se manifeste. GUD, donc, l'association d'extrême droite, étudiante universitaire, je crois. Donc, une des idées, ça serait, en s'appuyant aussi sur l'expérience Nuit Debout, où nous avons su nous structurer un peu et faire exister quelque chose, malgré les conditions climatiques adverses, non pas météorologiques, mais politiques, faire un truc, une stratégie boomerang où on utilise la mauvaise réputation pour faire venir des gens, des intervenants qui pourraient être des théoriciens et des théoriciens, des militantes et des militants, avoir une structure d'accueil. Et bon, on a par exemple Pinard Sélec hein, qui est partante pour cette idée. Et du coup, l'idée, ça serait que l'extrême droite, elle est en train de faire quelque chose comme une progression. Mais à Nice, on pourrait faire quelque chose de symboliquement inverse qui aurait au moins une valeur au moins double. Ça serait ce que les Anglais appellent a pain in the ass, une douleur dans le cul, si je puis me permettre. C'est-à-dire que je pense que ça désorienterait un peu la droite ou nouvelle droite si on arrivait à tenir. Faire qu'à Nice même, il y aurait quelque chose comme Nuit Debout actuel, mais bien plus puissant, avec Pinard Sélec et plein d'autres personnes, et toutes les personnes d'ici qui voudraient bien venir nous donner un coup de main. Donc ça pourrait, pour des personnes qui, comme moi, je ne sais pas vous, mais pensent que l'extrême droite, c'est pas top. Déstabiliser ce camp-là et deuxième coup de la même pierre, on peut espérer donner du baume au cœur aux autres. C'est-à-dire, par exemple, à Nuit Debout ou autre, si on voit que dans un endroit aussi maudit que Nice, ça peut exister, ça veut dire que ça peut exister ailleurs. Ça veut dire qu'ailleurs, dans le sud de la France, Marseille ou autre, ils peuvent se réveiller et faire des Nuits Debout puissantes, etc. Bon, ça, c'est une interprétation personnelle. On en discute beaucoup à Nice. Nuit Debout, il y a des personnes qui adhèrent plus ou moins, il y en a d'autres qui pensent que c'est farfelu de ma part. Quand j'en discute ailleurs, souvent je passe pour mégalo, mais c'est ma réponse à moi sincère. Je sais pas, Florence, si tu veux répondre. Oui, le résultat des élections, si Marine Le Pen passe, nous inquiète beaucoup. et on risque d'être attrapé fortement, quoi. Hein. Donc, on attend le résultat des élections. C'était ça le sens de ma question. C'était est-ce que finalement vous allez organiser la révolution sous Le Pen, quoi. Enfin, est-ce qu'il y aura révolution? Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il va se passer quelque chose sous Le Pen, quoi? Si elle est élue, enfin, qu'est-ce qu'on fera finalement si Madame Le Pen arrive au pouvoir? Je pense qu'on va continuer à occuper la place, enfin occuper, on risquera des gros problèmes, quoi. C'était probablement pas clair ce que j'ai dit, mais ça allait dans ce sens-là. L'idée, c'est de on est très inquiet. Encore que, hein, y a des gens chez nous qui pensent, mais non, même si elle passe, Le Pen, il va rien se passer. Macron, c'est beaucoup plus dangereux. Il y a de grosses discussions houleuses chez nous. On est plusieurs à être très inquiets, du fait même de ce qui se passe chez nous. Et bon, voilà. Le Front National est traditionnellement très, très fort à Nice et dans la région. Mais ce que je disais, qui était peut-être pas clair, ça serait une manière de prendre les devants. C'est-à-dire de se structurer dès maintenant. Et bon. Mais je sais pas, on redoute que la situation change après les élections. C'est-à-dire, pour l'instant, pour Nuit Debout à Nice, c'est facile. Faut se motiver pour occuper la place, mais on a pas ce que, apparemment, les Nuits Debout à Lyon ont eu. Les amis de Lyon nous ont dit qu'ils ont eu des affrontements physiques très durs, inattendus, pas tellement avec les CRS, mais avec des groupes d'extrême droite. C'est ce que des amis de Nuit Debout Lyon nous ont dit, si on a compris. Enfin, ni avec des groupes d'extrême droite, ni avec les CRS. Et pourtant, on sait qu'ils sont juste à côté. Et qu'ils sont assez inquiétants, c'est-à-dire très branchés à sport de combat, armes à feu et autres. Alors, je vais juste, point technique, laisser la modération à Adèle. J'adore faire ces transitions, car Écologie Debout m'appelle. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions, faire des remarques sur ce qui a été dit ou essayer de mieux comprendre comment ça se passe à Nuit Debout Nice? Et toi, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris la parole qui souhaitent la prendre? Donc, je rappelle juste, voilà, on a deux personnes là qui viennent de Nuit Debout Nice et qui nous ont un peu expliqué ce qu'ils ont fait depuis un an et ce qu'ils font encore maintenant. Donc là, il y a une question. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser aussi sur ce qui se passe là-bas, à lever la main et je vous passe la parole. Merci. Ouais, pour rassembler les gens à Paris, c'est important à Paris. Il faut les médias, ils soient avec vous. Pourquoi les médias, ils sont pas là? Non, mais il faut y ait une antenne à Paris pour... voilà, il faut y ait du monde, il faut rassembler les gens, il faut appeler les médias, il faut faire tout ça, quoi. Comme si ça médiatise, après les gens, ils vont venir beaucoup. Alors, je te passe le micro après, parce que c'est plus sur Paris. Mais bon, les médias, nous avons Nice Matin, n'est-ce pas, qui nous, quand il nous fait un article, ce qui est assez rare, nous démolit complètement. Bon, quant à Paris, c'est pas moi qui peux en parler. Il y a quelqu'un de Paris, là, s'il veut. Parce que, non. Mais bon, il me semble que c'est le cas, là. Il y a le week-end, est organisé, là, sur Paris. Ça me semble... je sais pas, tu es de Paris? Bah, de toute façon, le rapport médiatique par rapport à Nuit Debout, que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est vrai qu'il a été très centralisé sur Paris. Et très franchement, ils disent ce qu'ils veulent. Hein, donc on peut les inviter, ne pas les inviter. Si on les invite pas et qu'ils ont envie de venir, ils viendront. C'est pas, ils nous attendent pas pour venir ou pour ne pas venir. On peut aussi les inviter pendant 10 ans, ils viendront jamais. Donc ça vient d'une autre source que la nôtre, enfin plutôt d'une autre... volonté que la nôtre, et on sait très bien que le traitement médiatique en France, de toute façon, il est gouverné par quelques groupes et qu'on peut pas y faire grand chose, et que même s'ils viennent ce week-end, la pub qu'ils nous feront, elle sera positive ou négative. Ce sera à leur bon vouloir, ce sera pas en fonction de ce qu'on leur dira ni ce qui se passera réellement sur la place. L'impression qu'on a à Nice, c'est que au niveau national, le pouvoir a eu très peur de Nuit Debout. Ça impliquait vraisemblablement la gestion tendant aux policiers. À Nice, on a une expérience complexe où, au départ, les médias n'étaient pas toujours défavorables. On a eu quelques articles de Nice Matin qui étaient plutôt favorables. Et puis, en juillet, on s'est fait casser juste avant les attentats. On a eu deux pages sur Nice Matin qui ont joué les dissensions internes. Donc, ils ont été cherchés, aiguillonnés par des gens de l'intérieur, hein, de Nuit Debout, les différentes factions, et ils ont joué à fond pour nous diviser. Et ça a marché. Alors, pour rappel, une des choses qui ont désintégré, mais fortement frappé dans Nuit Debout Nice, à un moment où c'était encore fort, ça a été les élections partielles, quand le député-maire Christian Estrosi, du fait de son élection à président de la région PACA, a dû démissionner de son poste de député. Du coup, il y a eu une élection à Nice, et il y a des gens de Nuit Debout Nice qui voulaient se présenter aux élections. Il y a eu trois votes en assemblée très nourrie qui ont dit clairement non, et malgré ça, il y a des gens qui sont présentés venus du bout, ça nous a désintégrés. Donc, les médias, ils ont joué la division, et depuis, c'est le silence radio complet, depuis juillet. Bon, il y a eu l'attentat, et ça, ça paraît quand même singulier, c'est-à-dire que, sauf démenti dans les jours à venir ou dans les semaines et mois à venir, à notre connaissance, nous sommes les seuls en France à tenir tous les soirs. Petit, tout ce qu'on veut, pas beau. Il y a des anciens Nuit Debout qui justement d'emblée nous ont dit vous allez casser le moral de la militance parce que vous êtes pas beau, vaut mieux être faire des Nuit Debout rarement mais très puissantes plutôt que de montrer un aspect faible. Bon, il y a eu des gens dont nous qui ont pensé que non, c'est tenir tout le temps, c'est important. Donc on a cette singularité d'être apparemment les seuls en France de tenir tout le temps. On est à Nice, et bien malgré ça il y a zéro couverture médiatique depuis. Enfin, moi, j'aurais été à Arte, journaliste Arte, je me serais dit, c'est un sujet intéressant. Donc, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a un choix politique délibéré de ne pas couvrir. C'est vrai qu'à Nice, on est tellement petit que, mais je pense que structurellement, le mouvement Nuit Debout fait très peur. Et ce qu'on s'est dit en général, avec parce que c'est, une idée qui court, que je partage aussi, c'est que Nuit Debout, c'est une vraie alternative. C'est une vraie fenêtre d'ouverture d'expérimentation politique. Quelque chose comme Nuit Debout, hein, c'est pas Nuit Debout qui l'a inventé, il y a eu les Indignados en Espagne, Occupy Wall Street et d'autres choses qui viendront, mais il y a des gens qui pensent que c'est une vraie fenêtre de changement possible, très difficile à tenir, tout ce qu'on veut. Et du coup, le pouvoir, il rigole pas du tout avec ça. Quand un truc comme ça apparaît, enfin, en tout cas à Paris, quand c'est apparu à Paris, ça n'a pas rigolé du tout. Avec en plus bon le contexte compliqué de des attentats parisiens et autres. Mais à Nice, la réponse a été l'automédia. Ça, c'est Nico, notre ami Nico qu'on a déjà mentionné pour les ZAD. Lui, il fait une télé. Et dès le premier soir, il nous a dit « Moi, je vous fais la télé. S'il y a des gens qui veulent apprendre à faire ça, je vous transmets volontiers. » Et nous voulions le faire, nous n'avons pas encore réussi. Mais donc, la question des médias, elle est politiquement centrale. Est compliqué à décider. Apparemment, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Les médias sont plus des faiseurs de rois que des. Du coup, une solution qui semble simple, c'est de fabriquer soi-même des médias. Mais c'est très difficile parce que ça demande de bien structurer la chose et avant ça même d'être soi-même structuré. Par exemple, en tant que Nuit Debout, déjà pour nous, c'est difficile. Bon. Faut me couper, pardon. Non, il y a pas de souci. De toute façon, après, on va passer à Nuit Debout Rennes parce qu'il y a quelqu'un de Nuit Debout Rennes qui est là. Est-ce que vous, il y a encore quelques questions par rapport à Nuit Debout Nice ou du coup on passe à. Ouais, je demande juste s'il y a des questions avant. Voilà, on a des personnes de Nuit Debout Nice qui sont là. Est-ce que certains ont des questions à leur poser avant qu'on passe à Rennes? 1, 2, 3, non. Bon bah vas-y, alors je vous laisse faire une petite conclusion et puis après on passe à Rennes. Voilà, j'en ai pour 30 secondes. C'est que on rentre très vite là parce que le 4, il y a un procès ça va durer toute la journée. Le 7, c'est la journée de la santé, donc des syndicats viennent sur la place Garibaldi. Entre parenthèses, des fois, on nous demande si ils peuvent venir, ça nous fait éclater de rire. Et du fait que c'est le 7 et qu'ils viennent en soirée, le lendemain, nous allons fêter nos 1 an, puisque nous avons commencé le 8 avril, et nous allons donc dormir entre le 7 et le 8 avril sur la place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Moi, ce que je voudrais ajouter, je m'excuse d'être très bavard, on se refait pas, c'est que je suis très inquiet par le fait qu'apparemment, il y ait très peu de Nuit Debout dans le sud de la France. Bon, c'est spontané, ça se pilote pas, mais Si donc le canissois pouvait servir à donner du baume au cœur et à faire des collaborations, nous serions partants. Il y a un machin qui s'appelle Paca Debout, qui est fait par des gens louables. On a un mal fou, nous, à rencontrer parce que l'occupation de la place nous empêche de nous déplacer, vu que nous ne sommes pas encore assez nombreux pour assurer un roulement efficient sur une semaine ou quoi. Et voilà. Mais je répète, donc mon point de vue là-dessus, c'est que c'est pas normal que Nuit Debout, ça soit surtout Paris et l'Ouest. Bon, c'est super que l'Ouest soit puissant, mais où est Marseille, où est Lille, où est Toulouse, où est Strasbourg et ça, je pense qu'on peut essayer de l'affronter ensemble, en discutant et en donnant des coups de main à droite à gauche. Alors, une explication, moi je connais très mal l'Ouest, je suis en train maintenant, grâce à cet événement-ci, donc nous sommes vraiment super reconnaissants que vous portiez ça, et nous sommes très contents de venir ici. Grâce à ça, on a commencé timidement à tisser des contacts qu'on n'avait pas pu tisser avant avec Rennes, Nantes ou autres, avec Nico. Et donc on commence à connaître un peu mieux la situation. L'explication qui court normalement, c'est que Nantes... L'Ouest est plus à gauche et tient mieux par rapport à l'hégémonie culturelle croissante de la droite, de l'extrême droite. Et d'autre part, le pôle de Notre-Dame-des-Landes est crucial. Et d'autre part, j'ai appris pas plus tard qu'hier, grâce à un ami Nuit Debout Paris, que, Antoine, qu'il y a des singularités nantaises bien plus profondes que ça, comme le fait qu'à Nantes, il n'y ait pas besoin de demander l'autorisation pour faire une occupation de place, une manifestation, et c'est lié à des tas de choses historiques. Donc bon, il y a des explications de ce genre qui courent, mais à mon avis, que Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux... manquent à l'appel et problématique. En fait, il y a des gens là-bas, hein, Il y a des gens là-bas et qui seront là demain, voilà, comme le rappelait Antoine. Bah, merci beaucoup. Du coup, je vais appeler Céline pour venir nous parler de Nuit Debout Rennes. Donc Rennes très, très actif. En effet, l'Ouest, il y a Rennes et Nantes dont on entend souvent parler, que ce soit lors des manifestations, mais aussi de façon générale. Alors je vais juste changer l'enregistrement et puis je te passe le micro.